Comme elles ont fière allure, les marionnettes de Sicile, les paladins de bois qui frappent d'un pas martial le plancher du théâtre. Orlando contre Rinaldo, l'Arioste pour les enfants. On rit et on se réjouit. Un diable tombé du ciel vient annoncer la bataille. Les épées d'estoc et de taille coupe le sarrasin en deux. Rodomont hurle et gronde. Angélique, la furtive, glisse amoureusement entre les guerriers déments qui la tiennent captive. Le dragon crache le feu. Le combat au corps à corps fait rage entre les preux. En une seule fente, les auberts, les aumes, les côtes de maille, les moustaches et les turbans, tout l'attirail éclate dans la grande mêlée. En arrière, en avant, la victoire est à Roland. L'ennemi compte ses morts. Mais voici qu'entre en scène Charlemagne, l'empereur, le poil blanc, au regard noir. Tous les chevaliers s'écrient « Viva !» et se tiennent roides. C'est alors que le fou du roi déboule à l'avant-scène, à grands bonds et cabrioles, tournoie, vire et chavire, et sous les éclats de rire, la joyeuse farandole applaudit à grand fracas, salue la compagnie. Mais que vois-je là? Cet enfant, au milieu des poupées, qui sourit, émerveillé. Est-ce Pinocchio ressuscité? Non, seulement un petit rôle pour la photo finale.